Chapitre 2. La tristesse de Balao. Dans sa chambre, Balao trouva Gertrude qui lui préparait son smoking et ses bottines vernies. « Va-t'en, lui dit Balao avec rudesse, je ne sors pas. » « Personne n'en saura rien, répondit Gertrude en soupirant, et ça te fera du bien de prendre un peu l'air. Tiens, voilà 20 francs pour t'amuser. Je descends servir le café et je reviens. Habille-toi. » Elle descendit et revint 5 minutes plus tard. Balao était allongé sur la descente de lit. Il ne s'était pas habillé et il pleurait. Gertrude fut affolée. « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ?»« Tu le sais bien ce que j'ai, » répondit Balao, les 2 poings sur la bouche, pour comprimer son désespoir. « Pourquoi est-il revenu ?»« On ne peut pas lui défendre de venir à Paris. C'est le neveu de monsieur. Il est venu pour ses affaires. »« Alors dis-moi pourquoi, vieille taupe, on a voulu me faire partir avec Zoé pour la maison d'homme à Saint-Martin-des-Bois. Il s'en est fallu de l'épaisseur d'une noix que je parte. On savait bien ce qu'on faisait et que j'aurais du plaisir à voir le grand être de Pierrefeu et la pierre plate de Mahon et le verger de ma jeunesse. Mais je me suis méfié et c'est lui qui est venu. Jure-moi que vous ne l'attendiez pas. Tu n'oses pas me le jurer, hein, saloperie. » À ce moment, on entendit que l'on frappait à la porte. Toc, toc, toc. Gertrude, qui énonçait son mouchoir de larmes, alla ouvrir, et le général capitaine fit son entrée. « As-tu bien déjeuné, Jaco ? » demanda-t-il. « Voilà encore ce sale raseur, » grogna Balao. « Qu'est-ce que tu veux, général capitaine ?» Général capitaine fit entendre toute une série de sons gutturaux et rapides, comme des paroles de vieille femme en colère. « Qu'est-ce qu'il dit ? » demanda Gertrude. « Il dit, » répondit Balao, « qu'il ne comprend pas pourquoi nous ne sommes pas déjà partis. Je lui avais promis de l'emmener à Pierrefeu. » « Général capitaine. »« Pierrefeu, Pierrefeu, Pierrefeu, Pierrefeu. » « Il me casse les oreilles, » fit Balao en se retournant sur sa descente de lit. « Va l'attacher à son perchoir dans la cuisine. » Général capitaine trémoussant ses ailes. « Pierrefeu, partons, partons. » « Ah, oh, en voilà assez, » déclara l'anthropopithèque en lui lançant une ruade à l'assommer. Gertrude, toujours pleurant, mit général capitaine à la porte. On l'entendit un instant sur le palier déverser en flots d'injures. Et puis il descendit prudemment en comptant les marches jusqu'à la cuisine. Là, il grimpa sur son perchoir qui était placé près de la porte et fit semblant de dormir. La vérité était qu'il observait tout ce qui se passait, car il était plus curieux qu'un concierge d'homme. Il n'attendit point longtemps pour voir descendre dans le vestibule, avec 1000 précautions, Gertrude et Balao. Celui-ci était beau comme un astre. On apercevait, sous son léger pardessus entrouvert, le plastron éclatant de sa chemise et les revers de soie de son smoking. Les bottines vernies étaient 2 étoiles noires sur les dalles blanches. Il va encore faire la noce et la vieille va encore se crever à l'attendre, pensa général capitaine. Balao, avant de partir, se laissa embrasser par Gertrude, qui lui glissa encore dans la main quelques monnaies. « Ah !» fit Balao en soupirant. « Si je n'avais pas promis à Gabriel d'aller le chercher, je serais resté, bien sûr. » Gertrude le poussa doucement sur le trottoir, puis referma plus doucement encore la lourde porte. Puis elle revint dans sa cuisine et s'installa pour y passer, en somnolant, courbée sur la table, une grande partie de la nuit. Elle se réjouissait d'avoir réussi à faire sortir Balao. « Ça lui change les idées, » se disait-elle. Et elle se félicitait d'avoir préparé, dans ce but, à l'avance, sur le lit, la chemise au plastron éclatant et aux belles manchettes, raides comme de l'acier, et le faux col haut, haut, toutes choses auxquelles ne résiste point un anthropopithèque. Général capitaine dit en français « Bonne nuit, madame !» Gertrude répondit poliment « Bonne nuit, capitaine !» Tant de politesse ne pouvait durer. Général capitaine éprouva le besoin de traiter, lui aussi, la vieille Gertrude de saloperie. Mais il apprit à ses dépens que ce qui était permis à Balao ne l'était pas toujours à un général capitaine. Il reçut une raclée de coups de pincette qui l'accompagna de tels cris que Madeleine descendit. « Qu'est-ce que tu as ? » demanda-t-elle anxieuse à Gertrude. « Tu as encore pleuré ?»« Oui. » « Balao ? Se doute-t-il de quelque chose ?» « Bien sûr qu'il se doute. Ah, ça va être terrible !» Terrible, répéta Madeleine, pensive. Pendant ce temps, le triste Balao, les mains enfoncées dans les poches de son pardessus, sa badine sous le bras, le front penché vers la terre, les épaules courbées, glissait comme une ombre dans les rues désertes, voyageant dans son rêve intérieur. Il descendit par des voies dérobées vers la Seine et remonta le cours de l'eau. À sa droite, il avait les lugubres bâtisses de la Halle au Vin. Que venait faire son smoking dans ce désert sinistre? Hé, le smoking de Balao allait au jardin des plantes. Coriolis s'était cru très fort en arrachant Balao à la mauvaise influence de la forêt et en transférant la demeure de l'anthropopithèque en pleine capitale. Mais il s'était montré grossièrement imprévoyant en lui faisant élire domicile à quelques pas de la fosse aux ours, de la cage aux singes et de celle des tigres du Bengale et du lion de Numidie. On ne pense pas à tout. Et c'était toujours de ce côté, vers les frères animaux, que le conduisait presque inconsciemment sa rêverie, quand le cœur de Balao était triste à cause des hommes. Au coin du pont d'Austerlitz, Balao s'accouda au parapet et considéra l'eau frissonnante et les reflets zigzagants des becs de gaz. Quand il venait de soupirer avec force, il se sentit touché à l'épaule. Il se retourna. « Circulez !» C'était un agent de ville, inquiet et flairant un désespoir. « Chouop !» fit Balao. « Hein ? Qu'est-ce que vous dites ?» Balao haussa les épaules et s'éloigna dans la nuit. « Un étranger ?» pensa le sergent de ville. « Un prince russe, peut-être ?»« Chouop !» en singe oriental veut dire à peu près « Il n'y a pas moyen d'être tranquille. » Comme il avait obliqué un peu sur la droite, il se trouva à côté du bureau d'omnibus. Il pressa le pas, longeant la grille, cherchant la solitude. Il la trouva. Alors, appuyé sur son front contre la grille qui entourait le jardin des plantes, l'immense cage où les hommes avaient enfermé ses frères, les animaux. Il resta longtemps ainsi. Le froid des barreaux lui faisait du bien. Tout là, et grelottant de sa douleur, le front appuyé aux barreaux, le regard du pauvre Balao descendait, suivi de deux larmes lourdes et rondes comme des billes d'enfant, descendait tout le long de sa personne, jusqu'aux étoiles noires de ses souliers vernis. C'était là qu'était le mystère de son malheur sans borne, qui faisait de lui pire qu'un paria parmi les hommes, quelque chose comme une bête apprivoisée, c'est-à-dire la dernière horreur du monde. Car le lion de Numidie est encore quelqu'un dans sa cage, où les hommes craintifs l'ont enseveli vivant. Mais lui, Balao, qu'est-ce qu'il est dans ses souliers vernis? Un jouet d'homme, ni plus ni moins. Tout là-bas, en face de lui, par-delà les bosquets noirs des arbres, c'étaient les repères grillés des fauves, dont il sentait venir à lui l'odeur alcaline, le parfum lourd. Il se les représentait, calmes et fatales et tranquilles, reposant leurs têtes sur leurs pattes et dormant en paix dans leur maison de nuit. Les crocodiles, allongés dans leurs caisses pareilles à des cercueils, ne faisant pas plus de bruit que s'ils avaient déjà été empaillés. Non loin de là, c'était, sous des couvertures dont ils enveloppaient leurs rêves digestifs, les serpents, de nobles familles de serpents, les aspics de Cléopâtre, petites bêtes stupides que leur gloire n'empêchait pas de dormir. Oui, tout ce monde-là dormait. Les singes même, qui ne s'arrêtaient pas de remuer pendant le jour, ronflaient le soir venu, comme des brutes. « Comme des brutes !» se répétait Balao, en se représentant tout le peuple animal appesanti, pendant que lui pleurait contre la grille, son angoissant chagrin d'anthropopithèque. Même dans leur captivité, ceux-là, derrière leurs barreaux, lui parurent enviables. Ils souffraient trop. Quel bonheur de ne pas savoir, d'ignorer la différence. Oh, elle n'était pas grande, la différence. Elle était enclose dans ses deux souliers vernis. Et les passants ne pouvaient pas se douter, bien sûr, en croisant ce superbe jeune homme en smoking, de ce qu'il traînait avec lui dans ses souliers vernis. Mais lui, il ne pensait qu'à ça, à la différence. Et cela lui gâtait toujours ses soirées. Partout, au café, à la conférence Bottier, et même quand il allait au théâtre, il ne parvenait pas à chasser l'horrible pensée de la différence. Les soupirs de Balao n'ont plus rien d'humain ce soir. Qu'il prenne garde, il a déjà éveillé l'attention d'un sergent de ville, et voilà que, derrière les grilles, un gardien qui avait fait sa ronde est resté sans le voir, le pas suspendu. Le gardien a écouté d'où venaient ces souffles extraordinaires. Est-ce l'hippopotame qui se plaint? L'éléphant qui appelle? La panthère qui s'ennuie? Non. Gardien, continue ta ronde. C'est Balao qui pleure. Et Balao, ça ne te regarde pas. Le gardien s'éloigna, et Balao, à mi-voix, exhala cette plainte qui était plutôt une complainte, qu'il emportait toujours avec lui dans le fond de son triste cœur. Pati palankeing, pati palankeing, pourquoi le dieu des chrétiens n'a-t-il pas mes doigts liés, mes doigts de main de soulier? Pati palankeing, pati palankeing, demande au dieu des chrétiens pourquoi on a changé ma langue de la forêt de Bandang, et pourquoi j'ai appris à pleurer si on a pu mes doigts liés, mes doigts de main de soulier. Pati palankeing, pati palankeing, redemande au dieu des chrétiens, redemande ma langue de ma forêt de Bandang, et rends-moi mes palétuviers et mes doigts de main sans souliers. Pauvre Balao, heureusement qu'il lui reste Gabriel pour le consoler, Gabriel qui l'attend. Mais il ne faut rien tenter avant l'heure de la fin de ronde. Elle sonne. Balao essuie avec son mouchoir ses yeux humides et il crache dans ses mains, chose qu'il ne faisait jamais avant d'avoir vu les gymnastes des music halls. Et, grâce à un rétablissement des reins bien méticuleux pour ne pas froisser le plastron de sa chemise, le voilà à l'intérieur du jardin des plantes. Balao n'a peur, sur toute la terre, que des chiens. Il ne redoute plus la ronde d'hommes, et l'heure est passée, mais il craint le réveil là-bas des chiens qui le sentent venir jusque dans leur sommeil. Heureusement qu'ils sont à la tâche dans la petite cour près de la ménagerie. Tout de même, il faut combattre l'odeur. Mais Balao a un bon truc qui lui a toujours réussi quand il va en visite chez ses amis la nuit. Il va d'abord saluer les fouines dans les rotondes de sortie, et en sortant de là, il pue la fouine à plein nez. Alors il peut se promener partout et s'approcher autant qu'il veut des bâtiments gardés par les chiens. L'odeur de fouine ne fait pas aboyer. C'est une odeur naturelle du jardin des plantes. Tandis que l'odeur d'homme et l'odeur d'anthropopithèque, c'est la même chose, pense Balao, font aboyer les chiens. Balao sait où sont pendues les clés des maisons de ses amis, dans la demeure d'homme, tout près d'un petit vasistas que l'on n'a qu'à pousser. Et puis, on n'a qu'à avancer la main, il n'y a aucun danger. On ne l'entend pas marcher. Il a appris à marcher en silence, même avec des souliers vernis. Et puis, le long de sa route, aucune bête à plumes qui dort sur sa patte ne serait assez maladroite, étant réveillée en sursaut, pour crier à l'assassin. Elle sait tout de suite que c'est l'ami Balao qui passe. Aucun animal ne donnera l'éveil. Il peut être tranquille. Il peut être tranquille pourvu que les chiens sentent la fouine. Les chèvres d'Abyssinie dans leur hutte ont un petit bonsoir de bêlement complice qu'il est le seul à comprendre et auquel il répond sans s'arrêter par un simple soufflement des narines. Les grands échassiers, les grands hérons, lui jouent en sourdine avec leur long bec un petit air de claquoir. Mais il n'entrera pas chez l'horrible tribu singe de basse classe, autrement dit singe à queue prenante. Ça, c'est le rebut et la honte de l'animalité universelle. Chaque race a ses hontes. Il y a, chez ceux de la race d'hommes, de honteux troglodytes qui vivent enfermés dans des trous de pierre, toujours assis sur leur derrière, avec des cheveux jusqu'aux talons. Comme il y a d'étonnants esquimaux à cuisses de peau de phoque, comme il y a des nègres qui osent mettre des faux cols blancs. Si Balao était quelque chose parmi ceux de la race, si jamais un jour il se réveillait avec des pieds de souliers convenables, il ferait des conférences dans le monde entier pour que les nègres n'aient le droit que de mettre des faux cols noirs. Mais les singes de basse classe à queue prenante, c'est la honte des hontes de tout. Un anthropopithèque peut fréquenter toute la création, du haut en bas, sans déchoir. mais il ne peut fréquenter ça. Si lui, anthropopithèque de la forêt de Bandang, faisait une chose pareille, aucun anthropoïde oriental ne lui pardonnerait, et Gabriel lui cracherait au visage en apprenant une chose pareille. Carrément. Balao, après être allé dire bonsoir aux fouines et avoir exploré les alentours et promené son odeur de fouine, est revenu à la maison des féroces. Rien qu'à la façon dont il tourne la clé dans la serrure, ils savent que c'est lui. Et il y a du remue-ménage dans les cages, avant même qu'il ait fait le premier pas dans le corridor. S'ils se sont promis ce soir un bon palabre avec Balao, qui leur raconte toujours des histoires extraordinaires d'hommes, ils se sont trompés. La visite est courte. C'est à peine si on a le temps de se dire bonjour, bonsoir. Et Balao ressort, avec un camarade à peu près de sa taille, qu'il tient par la main. C'est Gabriel, le grand chimpanzé oriental. Entre eux, d'abord, nulle parole. Gabriel voit bien, à l'air et au silence de Balao, que son ami est triste et a de la peine. Gabriel, doucement, serre la main de Balao, pour lui faire comprendre que, sans savoir, il compatit à son chagrin. Au tournant des otaries, Gabriel veut poser une question, mais Balao lui ferme la bouche d'un bref et impatient « Whoop, je t'en prie, tais-toi ». Et Gabriel, voyant son ami d'une humeur si désolée, lui serre encore la main. « Fort, fort !»« Taureau, c'est bon la main d'un ami !» pensa Balao. Balao n'avait pas d'amis parmi les hommes. Pas de camarades. Il redoutait leur familiarité comme le plus grand danger qui le menaçait. Il cachait sa honte sous son intransigeante fierté. Enfin, depuis 2 mois surtout, il lui semblait bien qu'on lui mesurait le temps qu'il pouvait passer auprès de Madeleine. Quand il n'était pas avec Coriolis, qui était son maître, avec Gertrude, qui était sa domestique, avec Zoé, qui était sa petite esclave, il était tout seul avec la pensée de Madeleine et sa honte à lui. Les nuits sont terribles à passer. Une fois qu'il avait trouvé quelque consolation dans la société des grands fauves de la ménagerie et que Gabriel, débarqué depuis peu derrière les grilles de la civilisation, avait prêté une attention des plus flatteuses à tout ce qu'avait raconté Balao, la pensée était venue à celui-ci de se faire un camarade du chimpanzé. Avec lui, il s'entendait bien. Il avait beaucoup moins de mal qu'avec les autres à traduire ce qu'il appelait sa pensée d'homme en langage de bête. Ils avaient des tournures de phrases communes, des idiotismes communs, qui les ravissaient et sentaient leur forêt de Bandang d'une lieue. Java, mère mystérieuse et farouche, avait coulé le même sang dans leurs veines. Balao tenait toujours Gabriel par la main. Gabriel était le plus docile des amis, sortant quand on venait le chercher et ne faisant point de difficultés pour rentrer quand on le ramenait. Car Gabriel se rendait bien compte qu'il ne pouvait rien, chez les hommes, sans Balao. Et Balao ne voulait pas avoir d'ennui à cause de Gabriel, c'était bien entendu. Taureau ! Ils glissèrent ainsi jusqu'à la demeure abandonnée aux papillons morts. Souvent, tous deux avaient passé là des heures à bavarder, sûr de n'être dérangé par personne. C'est là que Balao, bien avant de risquer les premiers pas de Gabriel dans la nuit d'homme, avait fait ses dernières recommandations et donné ses suprêmes leçons de maintien devant une glace à trumeaux qui datait de Madame de Pompadour. C'est au fond d'un vieux placard où Cuvier avait peut-être jadis mis ses hardes que Balao avait suspendu le complet veston, fort correct, dont il avait fait cadeau à Gabriel, et dont celui-ci se vêtait toujours orgueilleusement avant leurs escapades. Ils pénétraient là-dedans par des moyens à eux, des moyens de fenêtres et de gouttières, et ils en sortaient sans se salir. Balao n'était plus le voyou du grand être de pierre-feu qui revenait à la maison d'homme avec un fond de pantalon déchiré. Son pantalon, en dépit de tous ses exercices, n'avait jamais d'autre pli que celui qu'il fallait. Balao tenait à ce que Gabriel eût autant de soin que lui-même de ses affaires. Tous deux portaient aussi le petit chapeau mou de feutre noir qui était alors à la mode. Enfin, Balao avait fait don à Gabriel d'une magnifique paire de lunettes. L'un avec son monocle, l'autre avec ses lunettes, pouvaient aller dans le monde sans crainte d'avanie. Mais il fallait se méfier des chiens. Balao et Gabriel, derrière la grille d'entrée qui donne en face de la pitié, vêtus convenablement, comme des jeunes hommes, attendent sans se presser que ça ne sente plus le gardien de la paix. Soudain, « Allons-y !» fait Balao. D'autant trois mouvements, la grille est franchie. Mais ils ne s'attardent pas. En trois bonds, ils sont dans la rue Lacépède. Là, ils respirent. Et posément, correctement, ils débouchent dans la lumière des trottoirs de la rue Monge. Rien de particulier jusqu'à la rue des Écoles. Ils marchent gentiment, toujours en se tenant par la main. « Écoute, maintenant je vais te lâcher la main, Gabriel, parce que nous arrivons dans un quartier chic et qu'on ne se tient plus par la main à notre âge. Mais fais bien attention, ne me quitte pas, fais tout ce que je fais, et surtout ne fais pas le malin. » Lors des dernières sorties, c'était là des recommandations superflues. Gabriel, tout tremblant et tout anxieux, se contentait d'imiter tous les gestes de Balao, ce qui, du reste, un soir, les avait fait remarquer et passer aux yeux de certains pour des rastas facétieux. Mais maintenant, Gabriel commençait à prendre de l'aisance, et Balao redoutait ses initiatives. « Ne fais pas le malin » répéta-t-il. « Et gare aux chiens !» Car, encore une fois, Balao n'a peur que des chiens sur toute la terre. Peur n'est pas assez dire, il en a horreur. Quand il en voit un, il pâlit et se sauve. Il monte dans un tramway, se jette dans une voiture qui passe à vide et crie n'importe quoi au cocher. Bandangue, par exemple. Il perd son sang-froid. Aussitôt qu'un chien le voit, c'est pour regarder illico les pieds de Balao. On dirait qu'il sait, qu'il devine ce qu'il y a dans les souliers de Balao. Et alors que ce chien respecte les souliers de tous les autres passants, il n'a de cesse, si Balao n'est pas assez malin pour se retirer à temps, qu'il n'ait entrepris, de ses dents impatientes, le cuir des souliers de Balao. La crainte des chiens, explique Balao à Gabriel, dans un langage simple et rapide et très complet, car il s'accompagne d'une pantomime du visage et des mains, significative aussi bien pour les singes que pour les hommes, qui terminent aussi leurs mots avec les mains et les grimaces du visage. La crainte des chiens est le commencement de la sagesse. Pati Palankaing met les hommes et les chiens dans le même sac. Pati Palankaing dit, dans son livre de la forêt, « Ne te fie pas à leur air de bête, à leur langue pendante, à leur queue en trompette et à leur façon de se promener pour leur propre plaisir en respirant la bonne odeur de la terre. Ils travaillent pour les hommes en dessous, comme des traîtres. Ils te planteront carrément leur croc dans la gorge pour un simple merci d'homme. » Pati Palankaing parle des gros chiens de chasse. « Mais pas des petits chiens que l'on rencontre dans les cafés ?» fit observer Gabriel en se grattant le bout du nez, ce qui lui valut un coup de badine de Balao. « Oh, les petits chiens dans les cafés sur les genoux des dames sont bien embêtants aussi. Tant qu'on est dans la salle, ils ne cessent pas d'aboyer. Moi, je regarde toujours avant de m'asseoir s'il n'y a pas quelque part un petit chien. » Justement, il passait devant la brasserie d'Amédée, et un petit chien, qui était sur les genoux d'une dame à la terrasse, se mit à japper furieusement. « Sauvons-nous !» ordonna Balao. Et il reprit la main de Gabriel pour l'entraîner sur l'autre trottoir. Mais le petit chien avait été plus rapide que leur fuite, et, bondissant des genoux de la dame, il avait déjà les dents au mollet de Gabriel, qui, sans patience, lui détacha un bon coup de talon sur la gueule et le tua net. La chose fut si rapide que Balao n'eut pas le temps d'intervenir. « Ah bien, c'est fini !» pensa Balao en constatant le dommage. « Nous voilà propres !» En effet, ils furent entourés en un instant, pendant que la dame ameutait contre eux tout le quartier en poussant des cris déchirants. Tous les consommateurs s'étaient levés comme un seul homme en les traitant de sauvages, de bêtes féroces. Les demoiselles d'étudiants leur cassaient sur le dos leurs ombrelles et leurs parapluies. Un monsieur tendait sa carte à Gabriel. Balao n'avait pas lâché la main de Gabriel, qui tremblait et claquait des dents. Gabriel était surtout effrayé par les yeux du monsieur qui lui tendait sa carte. « Ah, les sales rastas » criait-on. « Réponds pas !» conseillait Balao, qui semblait avoir l'expérience de ces sortes d'émeutes, pour avoir, sans doute, bien malgré lui, au cours de ses escapades nocturnes, déchaîné plus d'une fois les colères populaires. « Réponds pas et recule !» Balao, pas à pas, reculait, entraînant Gabriel. « Recule sans rien dire, et surtout ne les touche pas !» Mais la foule suivait leurs mouvements, et le monsieur à la carte ne les lâchait pas d'une semelle, mettant avec obstination son carré de Bristol sous le nez de Gabriel. Gabriel ne put s'empêcher de souffler sur la carte qui le chatouillait, de souffler avec son nez, et cela fit du joli. Le monsieur hurla que ce misérable assassin, ce lâche qui ne voulait pas se battre, lui avait craché dans la figure. Un monhomme d'étudiant qui descendait la rue Champollion vint s'ajouter au vacarme et à la confusion. Balao, toujours à reculons car il savait où il allait et toujours entraînant Gabriel, eut l'idée géniale de prendre la carte du forcené et de lui déclarer qu'il pouvait s'attendre à recevoir leur témoin le lendemain matin. Cédant toujours à la poussée, ils furent bientôt contre le mur du musée de Cluny. Balao n'attendait que cela. « Hop » fit-il. « Hop » pour sauter. C'est la même chose en singe et en homme. Voyage de Monsieur Philippe Garner aux forêts équatoriales. « Hop !» Gabriel comprit. Un peu de lierre était là, grimpant jusqu'à une gargouille. Balao et le chimpanzé étaient déjà dans le jardin du musée, que les autres se demandaient encore par où ils étaient passés. Quand ils comprirent, ils augmentèrent leur clameur. Une fenêtre du musée s'entr'ouvrit, et un poète, M. Haraucourt, se pencha au-dessus de la rue pour déclarer qu'il lui était impossible de travailler. On lui expliqua qu'il y avait deux bandits dans son jardin. Alors il réveilla tous les gardiens, mais on ne trouva personne derrière les vieilles pierres de Julien l'Apostat. La foule, en commentant diversement les événements, retourna prendre des bocs à la brasserie Amédée. Pendant ce temps, à la terrasse d'un café qui faisait le coin de l'avenue Victoria et de la place du Châtelet, assis bien tranquillement, dans un coin d'ombre où on pouvait boire à son aise, avec ses doigts, Balao disait à Gabriel « Tu vois ce qui peut arriver avec les chiens. Moi, j'avais un système à Saint-Martin-des-Bois. Pour ne pas avoir d'ennui, je les avais tous pendus. On a cru à une maladie des chiens, et personne n'a plus eu de chiens dans le pays, et j'ai été bien tranquille. Mais à Paris, il y en a trop. » « La dernière fois, tu m'avais promis de me conduire chez Maxime, » dit Gabriel. « Est-ce qu'il y a des chiens ?»« Non, mais tu ne pourras pas boire avec tes doigts. » Balao, au commencement, s'était bien promis d'entreprendre l'éducation parfaite de Gabriel, mais ça n'avait été là qu'une velléité de son imagination complaisante. Et quand ils étaient sûrs d'être tout seuls, dans l'ombre d'une terrasse, le chapeau sur les yeux, ils buvaient tout de suite leur boc avec leurs doigts, tous les deux. On trempe ses doigts dans le verre et on suce. Ça soulageait Balao de bien des contraintes. Sur cette terrasse du Châtelet, tout alla bien jusqu'à l'arrivée du marchand de cacahuètes. Balao eut la douleur de voir Gabriel bondir sur cet honnête homme et lui ravir en un tour de main sa marchandise. Fou d'épouvante, le marchand de cacahuètes, qui avait cru sa dernière heure venue, se contenta de se ramasser du ruisseau où il avait roulé et de se sauver à toutes jambes à la recherche d'un sergent de ville. Il en trouva un qui l'amena à pas lents jusqu'à la terrasse du café où le drame venait de se dérouler. Les paisibles clients, effarés, lui apprirent que son voleur était parti avec un monsieur qui avait déclaré qu'il répondait de tout et qu'il n'avait pas payé les consommations. Quant aux garçons qui avaient réclamé leur dû, ils déclaraient avoir eu la sensation bien nette que ce client indélicat allait les mordre. Pendant que M. l'agent, tout en prenant des notes sur son calepin, conseillait ses gens de parler chacun son tour, et que le plaignant se lamentait sur une marchandise qu'il ne devait plus jamais revoir, Balao et Gabriel, comme ne cessent de le conseiller les sergents de ville, circulaient depuis longtemps. Assis sur l'impériale du tramway Montrouge Gare de l'Est, le panier entre deux, ils appréciaient la douceur du temps, la fraîcheur des feuilles toutes neuves aux arbres du boulevard, le charme de cette soirée de printemps et l'excellence des cacahuètes. Balao attendait, pour faire des représentations à Gabriel, que le panier fut vide, et il advint à la hauteur de la prison Saint-Lazare. Comme Gabriel proposait alors de descendre du tramway pour se mettre le long des terrasses de café à la recherche d'autres marchands de cacahuètes, Balao crut le moment venu de lui exposer les dangers de sa conduite. Balao avait pris sa voix sévère pour lui dire que, s'il continuait à voler des cacahuètes, il irait en prison. Et il lui expliqua, en lui montrant les murs d'en face, ce que c'était qu'une prison d'hommes. Gabriel ne put s'empêcher de frissonner devant l'horrible bâtisse. Il songeait à sa grande cage, si gaie, du jardin des plantes, parmi les arbres et les fleurs, où il recevait la visite quotidienne des nourrices de petits d'hommes et des guerriers aux jambes écarlates. Il promit à Balao tout ce que celui-ci voulut, pourvu qu'il le conduisît chez Maxime. Balao lui en avait parlé comme le meilleur café de Paris pour les bananes et les ananas. Seulement, il fallait savoir s'y tenir tranquille, parce que c'était très bien fréquenté. « Je veux bien te conduire chez Maxime, » répondit Balao. « Mais tu comprends que, si tu te jettes sur les bananes ou sur les ananas, comme tu t'es jeté sur les cacahuètes, ça finira par faire du vilain. Il faut attendre qu'on vous serve et ne pas croire que tous les plats qui passent sont pour vous. » Gabriel attesta Patty Palancaïn qu'il garderait les mains dans ses poches. Une demi-heure plus tard, il rentrait chez Maxime, descendant d'une auto-taxi qui, n'ayant pas été payé, les attendit comme il convient devant la porte. Balao et Gabriel, timides, ne s'étaient point senti le courage de déranger toutes les belles personnes qui encombraient l'allée du milieu. Balao, qui s'était déjà risqué dans l'établissement deux ou trois fois, parce qu'il en avait entendu parler à la conférence Bottier entre l'affirmative et la négative, Balao avait du reste son petit coin préféré en entrant à gauche derrière la porte. C'est là qu'on était le moins remarqué et le plus tranquille pour manger les bananes et les ananas. Henri, le gérant qui voit entrer Balao et son ami. Ah, voilà le professeur hindou, à un garçon. Baptiste, portez un ananas au professeur hindou. Dans les bonnes maisons, il suffit qu'un client vienne deux fois pour que l'on soit tout de suite au courant de ses goûts et de ses habitudes. Ah, n'oubliez pas non plus les bananes. Baptiste s'éloigne pour exécuter les ordres et revient presque aussitôt. Baptiste. Le professeur hindou voudrait vous parler. Je ne comprends pas ce qu'il demande. Henri. Il parle pourtant français. Baptiste. Oui, mais s'il me demande du riz cru, je ne peux pourtant pas lui donner du riz cru. Henri. Du riz cru. Il va à la table où sont assis Balao et Gabriel. Il salue. « Vous avez commandé, messieurs ?» Balao, découpant un ananas pour Gabriel. « Voilà, j'ai amené un ami. Mon ami serait très heureux de manger un peu de riz. Pourriez-vous nous faire donner du riz ?» Henri, toujours très correct et ne s'étonnant jamais de rien. « Mais parfaitement, monsieur. Le voulez-vous au lait? Le voulez-vous en potage, en croquette ou en gâteau? Voulez-vous du riz au gras ?» Balao donnant la moitié de l'ananas à Gabriel. « Nous le voulons cru. » Henri. « Tout cru ?» Balao. « Oui, tout cru, dans un saladier. Ce n'est pas difficile. Vous remplissez un grand saladier de riz cru, vous nous l'apportez, et nous, nous versons du champagne dedans. » Henri. « Ah, je comprends, c'est un plat hindou. Ce doit être délicieux. » Il court commander le plat. Balao à Gabriel. Tâche de manger proprement, on nous regarde. Ce n'est pas difficile de manger un ananas proprement. Gabriel, la bouche pleine. Ici, il n'y a pas de chien, mais il y a beaucoup de dames. Balao. Prends garde aux dames. Il y en a qui sont aussi embêtantes que les chiens. Si elles te parlent, ne leur donne pas de coups de talon. Laisse-moi répondre. Gabriel, qui a fini son ananas, mange les cure-dents sans que Balao s'en aperçoive. Oup, tu peux y compter. Une dame qui passe. Tiens, voilà le professeur hindou. Il a amené son singe ce soir. Balao pâle de rage. Je connais, dans la forêt de Bandang, des guenons qui sont plus belles que vous, madame. La dame qui s'arrête. Qu'est-ce que vous dites? Balao, affectant de ne point regarder la dame, les yeux au plafond. Sachons sourire, sourire à la vie, sourire à nos devoirs, sourire même à nos peines. » La dame. « Je ne vous demande pas tout ça, espèce de mal élevé. » Elle passe, très digne. Balaou la suivant des yeux. « Gueuc !» Va-t'en. « Elle sent la bosse de bison. » Mais la vue de ces femmes effrontées et qui sentent si fort le ramène par une fatale antithèse à la pensée d'une jeune femme d'homme qui sent comme le printemps quand les violettes poussent entre les racines moussues du grand être de pierre-feu. C'est en vain qu'il a essayé de se distraire avec les cacahuètes, le chien mort et tous les incidents créés par l'inexpérience et la charmante naïveté de Gabrielle au long du chemin. La triste pensée anxieuse de la jeune femme d'homme lui cuit le cœur sournoisement, comme lui brûle l'estomac quand il vide à lui tout seul un pot de cornichons. Gabrielle, qui a fini de manger les bananes, l'ananas et les cure-dents. « Il n'y a plus rien à manger ?» Balao. « Je suis décidé à faire la noce. Je t'offre un saladier de riz au champagne. J'attends. » Le sommelier qui vient aux ordres. « Champagne. De la tisane de champagne. » Montrant Gabrielle. « À cause du petit. » Gabrielle qui mange les allumettes. « C'est bon, le champagne ?» Balao lugubre. « Ça pique dans le nez et ça fait marcher de travers. » Gabrielle, qui a fini les allumettes et qui maintenant en mange la boîte. « Comme tu me dis tout cela tristement, Balao. » Balao sinistre. « L'homme de Saint-Martin est revenu. » Gabrielle le plaignant. « Pfff, pfff. » Balao s'essuyant discrètement un œil au coin de sa serviette. « Waoup, waoup. » Hélas, hélas. Gabrielle, s'emparant avec la rapidité de l'éclair des petits bâtons que l'on vient d'apporter pour épurer de son gaz le champagne. « J'ai bien vu que tu étais triste, va. » Il lui serre la main sous la table. Balao prête aux larmes. « D'où c'est la chaleur de ta main ? Taureau, taureau. » Dans le sens de merci. « Je suis bien malheureux, Gabrielle. » Gabrielle mange les petits bâtons. « Qu'est-ce que tu manges ?» Gabrielle pâlissant. « Rien ?» Balao lui ouvrant la bouche. « Montre voir !» Il referme la bouche de Gabrielle. « Ah, ce sont les petits bâtons du champagne. Tu as bien raison, ils ne valent rien avec le champagne. Il lui enlève tout son piquet dans le nez. Il vaut mieux les manger tout seul. » Gabrielle. « Regarde ce que cette dame a sur son chapeau. Est-ce que c'est bon à manger ?» Balao les yeux brillants. Oh, la magnifique paille de riz! Mais retiens-toi! Moi aussi, je mangeais les chapeaux quand j'étais petit, tous les chapeaux d'été de Madeleine, car les chapeaux d'hiver, ça ne vaut rien. Et puis, j'ai grandi, et je laissais ces chapeaux tranquilles. J'attendais qu'elle me donnât à manger dans sa main. Waoup! Où est-il le temps où je mangeais dans la main de Madeleine? Le temps où je la voyais arriver dans le verger de ma jeunesse. Elle y était comme un bouton de rose. Elle ressemblait aussi à la perdrix qui court vers son petit. Mais la perdrix a un corsage moins beau et une démarche moins légère. Sa voix était douce comme le chant des Bengalis. Gabrielle. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais mon cœur est dans ta poitrine. Balao lui serrant la main sous la table. Taureau, dans le sens de merci. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il regarde. Où as-tu pris ce cigare-là? Gabrielle. Dans la boîte pendant que le monsieur ne regardait pas. Le garçon a repris la boîte de cigares et s'éloigne en les comptant discrètement. Balao. Qu'est-ce que tu vas en faire? Gabrielle. Le manger? Balao. Au dessert, tu m'en donneras la moitié. Tiens, voilà notre saladier de riz et notre champagne. On sert ces messieurs. Henri a tenu lui-même à apporter le saladier. Henri. J'ai suivi les ordres de ces messieurs. Il est cru. J'ai fait fondre au fond du saladier 3 morceaux de sucre. Est-ce assez ? Balao, hésitant et puis se risquant tout de même. Dites-moi, Henri, vous n'avez pas de la canne à sucre ? Geste négatif d'Henri qui s'amuse. Remuez, Henri, remuez, comme pour la salade. Henri remue le riz dans le saladier. Pendant ce temps-là, je vais verser. Henri, est-ce assez remué ? Balao. Oui, c'est dommage que vous n'ayez pas de la canne à sucre. Henri souriant. Monsieur plaisante. Balao furieux. Gueuc. Henri s'éloigne. Balao étend la main du côté de la bouteille de champagne que le sommelier débouche. Mais, distrait par les grimaces de Gabrielle, le sommelier laisse partir le bouchon, qui va frapper le plafond en faisant un bruit de poudre à canon. Aussitôt, Gabriel, épouvanté, affranchit en un seul bond l'espace qui sépare la table où il est assis du bar qui est en face. Gabriel, se cachant derrière le bar, d'une voix déchirante. « Brout, brout, wow, pout !» Grâce, grâce, hélas, grâce. Les clients en chœur. « Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ?» Une dame. « Mais c'est le singe des Folies Bergères !» Tous. « Il lui ressemble !» Sur quoi, la dame s'étant trop approchée de Gabriel, celui-ci, affolé, lui enlève prestement son beau chapeau de magnifique paille de riz qu'il se met, illico, n'écoutant plus que son instinct, à dévorer. En voyant disparaître entre les dents de l'anthropoïde le chef-d'œuvre de la rue de la Paix, la dame, l'amie de la dame et le garçon poussent des clameurs déchirantes. Mais Balaou a jeté le cri de guerre, le cri d'appel de la forêt de Bandang, et d'un nouveau bond, Gabriel la rejoint. Tous deux sont déjà dehors, quand le plus illustre client de chez Maxime arrive tout juste pour calmer le personnel en émoi. « Vous voyez bien, dit Monsieur B, que c'est le Maharaja de Karpurtagra qui se promène avec son singe. » Pendant ce temps, l'auto qui les amena les remporte au plus vite. Le chauffeur, qui a très peu vu la figure de ses voyageurs dans l'obscurité, croit ses clients un peu bus. Quand ils furent arrivés à la grille du muséum, Balaou prouva au chauffeur que le Maharaja de Karpurtagra avait fait cette nuit-là une telle noce qu'il ne lui restait plus au fond de ses poches qu'une infime monnaie. Le chauffeur n'en voulut point entendre davantage. Il se déclara le serviteur du Maharaja et annonça qu'il viendrait se mettre à ses ordres vers 11 heures du matin. Puis il disparut après avoir salué Monseigneur. Si Balaou avait été vraiment gai ce soir-là, il n'eût point manqué de crier au chauffeur « Vous demanderez Monsieur Gabriel la troisième cage à gauche !» Mais Balaou n'était pas vraiment gai. Ayant franchi les grilles avec Gabriel, il marchait la tête basse et plus triste que jamais, en dépit d'une aussi belle soirée. Ils arrivèrent devant l'étang des otaries, à l'heure où l'aurore commence de dissiper les ténèbres de la nuit. Gabriel, qui craignait d'être grondé, ne disait rien. Mais Balaou ne songeait guère à faire de la peine à Gabriel. Il le fit asseoir sur la terre, près de lui, il lui prit la main et frissonna et soupira. Et il dit des mots d'homme que Gabriel ne comprenait pas, mais il les disait si tristement que Gabriel en avait les larmes aux yeux. Balaou. Écoute, Gabriel, au printemps, je lui ai fait cadeau des premières branches fleuries. Alors elle m'a regardé et m'a dit « Mon pauvre Balaou !» Et ce fut tout, oui. « Pauvre Balaou !» Balaou pleure. Balaou est le plus à plaindre des créatures de Pating Palankaing. Gabriel. « Whoop !» Dans le sens « Je t'en prie, calme-toi. » Balaou, serrant la main de Gabriel. « Il n'y a que toi qui me comprennes sur la terre, Gabriel. Je vais te dire une chose que je n'ai jamais dite à personne, pas même à elle. Mais nous pleurons ensemble, toi et moi. Ainsi les plantes faibles s'entrelacent pour résister à la tempête. » Gabriel. « Whoop, whoop !» Hélas, hélas. Balaou. « C'est une chanson que j'ai faite. Écoute, approche ton oreille. C'est une chanson en langue d'homme. Mais rien qu'à la douceur des mots, tu comprendras mon chagrin. » Gabriel. « Whoop, whoop !» Balaou à l'oreille de Gabriel. « Pati Palankaing, Pati Palankaing, écoute mon chagrin. Je me suis promené dans le jardin d'homme comme un de la race qui pleure. Mais personne n'a vu mes larmes, pas même celle pour qui je meurs. Mais elle a entendu mon cœur qui soupirait dans son malheur. Et elle a dit à l'autre qui levait le nez en l'air, « Ce n'est rien, c'est le tonnerre. » Pati Palankaing, Pati Palankaing, écoute mon chagrin. Si j'avais mes doigts liés et mes doigts de main de souliers, je dirais à Pati Palankaing, « Garde tes palétuviers, tes bananiers et tes mangliers, puisque j'ai mes doigts liés, mes doigts de main de souliers. Pati Palankaing, Balaou ne regrette rien. Et je dirais à Madeleine, avec ma plus douce haleine, « Madeleine, je veux embrasser tes cheveux. Si j'avais mes doigts liés, mes doigts de main de souliers. » Hélas, l'autre a dit « Je veux embrasser tes cheveux. » Et moi, je ne dis rien, et je lui lèche la main. Gabriel essuyant les larmes de Balao. « Pauvre Balao, pauvre Balao !»